Au palais épiscopal, un prêtre introduit deux moines accompagnant le petit moine de Hastings. Sa seigneurie va vous recevoir ici. Tiens-toi droit. Baise l'anneau de mon seigneur et tâche de répondre humblement à ses questions ou gare à tes fesses. Vous croyez peut-être qu'il t'avait oublié. Les grands n'oublient rien. On va voir si tu vas faire le fier avec lui. Eh bien, mes frères, il fait beau, Hastings ? Le brouillard, monseigneur. Alors il fait beau, Hastings. Nous songeons toujours tendrement à notre abbaye et notre intention est d'aller bientôt la visiter quand nos nouvelles fonctions nous laisseront un instant de répit. Comment s'est conduit ce jeune homme ? Il a donné du fil à retordre à notre abbaye ? Monseigneur, une vraie mule. Notre père abbé a longtemps essayé la douceur, comme vous le lui aviez recommandé. Puis il fallut bien vite recourir au cachot, au pain sec, et même à la discipline, rien n'y fait. Cette tête de bois reste la même, l'insulte aux lèvres. Il est tombé dans le péché d'orgueil. Il n'est pas de main secourable qui le tirera de là. Seuls les coups de pied aux fesses, peut-être. Si votre seigneurie me permet l'expression. Lève-toi. Tiens-toi droit. Écoute ton frère. Tiens-toi droit. D'habitude, le péché d'orgueil redresse. Regarde-moi en face. Bien. On va vous conduire aux cuisines où vous vous restaurerez, mes frères. Oh ! On y a l'ordre de vous traiter bien. Ne nous faites pas d'affront. Nous vous relevons pour aujourd'hui de votre vœu d'abstinence et nous comptons que vous ferez honneur à notre venue. Saluez en Jésus votre père abbé de notre part. Et le gamin ? Nous le gardons. Que Monseigneur se méfie. Il est mauvais ! Oh là là ! Nous n'avons pas peur. Pourquoi te tiens-tu si mal ? Je ne veux plus regarder personne en face. Je t'apprendrai. Ce sera notre première leçon. Regarde-moi. Mieux que ça, tu es toujours chargé tout seul de toute la honte de l'Angleterre et c'est elle qui te courbe le dos ? Oui. Si je t'en prenais la moitié, ce serait moins lourd ? Introduisez leur seigneurie. C'est l'heure de mon conseil avec mes seigneurs les évêques. Tu vas voir que ce n'est pas un privilège qui t'est réservé d'être seul. Reste dans ce coin et tiens mes tablettes. Ah, je ne te demande qu'une chose. Ne leur saute pas dessus, tu compliquerais tout. Seigneur, notre conseil risque d'être sans objet. Vous avez voulu, contre nos avis, attaquer le roi de front avant même que les trois excommunications que vous vouliez nous demander de sanctionner aient pu être rendues publiques. Le roi riposte. Son grand justicier, Richard de Lacy, vient de se présenter dans votre antichambre, vous réclamant au nom du roi. Il est porteur d'une sommation légale d'avoir à comparaître dans le délai d'un jour devant son grand conseil réuni en cour de justice. De quoi m'accuse le roi ? De prévarication. Comptes examinés par son conseil privé, le roi vous réclame une somme considérable, due encore sur votre gestion du trésor. J'ai remis en quittant la chancellerie mes registres à son grand justicier qui m'en a donné quittance, me déclarant quitte de tout compte et de toute réclamation. Que réclame le roi ? 40 000 marcs d'or fin. Je crois bien qu'il n'y a jamais eu tant d'argent dans tous les coffres de toute l'Angleterre pendant tout le temps où j'ai été chancelier. Mais il suffit d'un scribe habile. Le roi a refermé son poing. Et je suis comme une mouche dans son poing. J'ai l'impression, messieurs, que vous devez ressentir quelque chose qui ressemble à du soulagement. Nous vous avions déconseillé la lutte ouverte. Guillaume d'Ensford, poussé par le roi, sous prétexte qu'il désapprouvait mon choix, a assommé le prêtre que j'avais nommé à la cure de sa seigneurie. Dois-je laisser assommer mes prêtres? Vous n'aviez pas à nommer le curé d'un fief libre. Il n'est pas un Normand, laïc ou clair, qui admettra jamais cela. Ce serait remettre tout le droit de la conquête en cause. Tout peut être remis en question en Angleterre, hormis le fait qu'elle a été conquise et partagée en l'an 1066. L'Angleterre est le pays du droit et du respect le plus scrupuleux de ce droit. Mais le droit ne commence qu'à cette date, sinon il n'y a plus d'Angleterre. Évêque, dois-je vous rappeler que nous sommes des hommes de Dieu et que nous avons à défendre un honneur qui, lui, n'a pas de date? C'était une maladresse et même une provocation. Guillaume d'Ensford est un compagnon du roi. Je le connais très bien. Il est charmant. J'ai vidé plus d'un pot avec lui. Je suis le petit cousin de sa femme! C'est un détail que je déplore, seigneur évêque, mais il m'a assommé un curé. Si je ne défends pas mes prêtres, qui les défendra? Et ce n'est pas tout. Gilbert Déclare vient de citer devant sa justice un clerc qui relevait de notre seule juridiction. Une intéressante victime, vraiment, qui valait la peine de se battre? L'homme était accusé de meurtre et de viol. Il était plus habile de laisser pendre le misérable qui méritait 100 fois la corde et d'avoir la paix. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la guerre. Votre seigneurie a certainement lu ça quelque part. Il m'est indifférent de savoir de quoi cet homme était accusé. Si je laisse juger mes prêtres par un tribunal séculier, si je laisse Robert de Vire enlever, comme il vient de le faire, dans un de nos couvents, un de Leclerc tonsuré sous le prétexte que c'est un de ses serfs qui a fui la glèbe, je ne donne pas cher de notre liberté et de notre existence, mes seigneurs, dans 5 ans. J'ai excommunié Gilbert de Clare, Robert de Vire, Guillaume d'Ensford. Le royaume de Dieu se défend comme les autres royaumes. Vous croyez que le droit n'a qu'à paraître et qu'il obtient tout sur sa bonne mine? Sans la force, sa vieille ennemie, il n'est plus rien. Quelle force? Ne nous payons pas de mots. Le roi est la force et il est la loi. Il est la loi écrite. Mais il est une autre loi non écrite qui finit toujours par courber la tête des rois. J'étais un débauché, messieurs. Peut-être un libertin. Un homme de ce monde, en tout cas. J'adorais vivre et je me moquais de tout cela. Mais alors, il ne fallait pas me remettre le fardeau. J'en suis chargé maintenant. J'ai retroussé mes manches et on ne me le fera plus lâcher. Je remercie vos seigneuries, le conseil est levé et ma décision est prise. Je maintiendrai ces 3 excommunications. Je me présenterai demain devant la justice du roi. C'est un peu moins lourd sur ton dos? Oui. Alors, dans ce cas, tiens-toi droit. Le roi, derrière une tenture, entre Gilbert Folliot. Procédure suit son cours, Altesse. La 3e sommation est faite. Il n'est pas là. Il sera dans un instant condamné par défaut. La forfaiture établie, notre doyen, l'évêque de Chester, ira au-devant de lui et lui signifiera, suivant les termes de l'ancienne charte de l'Église d'Angleterre, notre désaveu de corps, nous déliant de l'obéissance envers lui et le citant devant notre Seigneur le Pape. C'est alors que moi, évêque de Londres, parlant en mon nom personnel, je m'avancerai et accuserai publiquement Becket, le nommant ci-devant archevêque, lui déniant pour la première fois son titre, d'avoir célébré en mépris du roi une messe sacrilège sous l'invocation de l'esprit malin. T'es pas un peu gros? Si. Personne n'est dupe, mais cela réussit toujours. L'Assemblée ira ensuite aux voix par ordre et rendra une sentence d'emprisonnement. Elle est déjà rédigée. À l'unanimité? Nous sommes tous normands. Le reste appartiendra alors à votre Altesse. C'est une affaire d'exécution. Ah. Ah, mon Thomas. Je puis encore arrêter la machine, Altesse. Non. Il est perdu? Oui. Oh, je vous défends de vous réjouir. De voir périr votre ennemi? Beckett est mon ennemi. Mais dans la balance des êtres, bâtard, nu comme sa mère l'a fait, il pèse mille fois votre poids, madame. Avec votre couronne, tous vos joyaux, et votre auguste père par-dessus le marché! Beckett m'attaque, il m'a trahi. Je suis obligé de me battre contre lui et de le briser. Mais du moins m'a-t-il donné à pleine main tout ce qu'il y a d'un peu bon en moi. Et vous ne m'avez jamais rien donné. Que votre médiocrité pointilleuse, le souci éternel de votre petite personne étriquée et de vos prérogatives, c'est pourquoi je vous interdis de sourire quand il meurt. Je vous ai donné ma jeunesse et vos enfants. Je n'aime pas mes enfants. Ah! Quant à votre jeunesse, fleur desséchée, dès vos 12 ans, entre les pages d'un missel, au sang blanchâtre, au parfum fade, allez, quittez-la sans regret. En vieillissant, la bigoterie et la méchanceté vous donneront peut-être du caractère. Votre ventre était un désert, madame, où j'ai dû m'égarer, solitaire, par devoir. Mais vous n'avez jamais été ma femme. Et Beckett a été mon ami. Plein de force, de générosité et de sang. Ah, mon Thomas. Et moi, mon fils, je ne vous ai non plus rien donné. La vie. Si. Merci, madame. Mais après, je ne vous ai jamais vu qu'entre deux portes. Paré pour un bal. Ou en couronne et en manteau d'hermine. 10 minutes avant les cérémonies où vous étiez bien obligé de m'avoir à vos côtés. J'ai été seul, toujours. Personne ne m'a jamais aimé sur cette terre. Que Beckett. Eh bien, rappelez-le. Absolvez-le, puisqu'il vous aime. Et donnez-lui tout le pouvoir! Que faites-vous en ce moment? Je réapprends à être seul, madame. J'ai l'habitude. Eh bien, où allez-vous? Monseigneur, Thomas Beckett est apparu au moment où on ne l'attendait plus. Malade, tout pâle, en grand habit pontifical et portant lui-même la lourde croix d'argent. Il a traversé toute la salle sans que personne n'ose l'arrêter. Et comme Robert, comte de Leicester, chargé de lui lire sa sentence, commençait la formule consacrée, il l'a arrêté d'un geste, lui interdisant, au nom de Dieu, de donner jugement contre lui, son père spirituel, en appelant souverain pontife et le citant par devers lui. Et puis il a traversé la foule qui s'écartait, muette, il vient de repartir. Bien joué, Thomas! Tu marques le point! Et mes barons? La main sur la garde de l'épée, ils criaient tous, traître, parjure, arrêtez-le, misérable, écoute ton jugement! Mais aucun n'a osé bouger et toucher aux saint-ornements. Des imbéciles. Je suis entouré d'imbéciles. Et le seul homme intelligent de mon royaume est contre moi. Du seuil, pourtant, il s'est retourné. Les regardant froidement, tous agités, criants et impuissants. Et leur a dit qu'il n'y avait pas très longtemps encore, il aurait su répondre par les armes à leurs défis. Qu'il ne le pouvait plus, mais qu'il les priait de se rappeler ce temps-là. Tous. Il les avait tous. À la masse, à l'épée, à la lance, dans la vie s'y tombait comme des valets de cartes. Et son regard était si froid et si ironique, quoiqu'il ne tînt que son bâton de pasteur, que un à un, ils se sont tus. Alors seulement il s'est retourné et il est sorti. On dit qu'à son hôtel, il a donné des ordres pour inviter tous les pauvres de la ville à souper ce soir. Et l'évêque de Londres, qui devait le réduire en poudre. Et mon agissant ami Gilbert Folliot. Il a eu une horrible crise de rage, essayant en vain d'ameuter tout le monde. Il a crié d'horribles injures, et puis finalement il s'est évanoui. On le soigne. Ah, c'est trop drôle. Mais c'est vraiment trop drôle! Oh, et moi, demain, mon fils, si vous ne m'en empêchez pas, Beckett gagnera cette nuit la côte, demandera asile au roi de France, sera de là-bas, impuni. Au palais du roi de France, le roi, Louis VII le Jeune, au milieu de ses barons. Messieurs, nous sommes en France. Et merde pour le roi d'Angleterre, comme dit la chanson. Votre Majesté ne peut pas ne pas recevoir ces ambassadeurs extraordinaires. Ordinaire ou extraordinaire, je reçois tous les ambassadeurs, je les recevrai. C'est mon métier. Voilà déjà plus d'une heure qu'ils attendent dans l'antichambre de votre Majesté. Qu'ils attendent, c'est le leur. Un ambassadeur, c'est fait pour faire antichambre. Je sais ce qu'ils vont me demander. L'extradition d'un sujet félon est une courtoisie qui se doit entre têtes couronnées. Bon, les têtes couronnées jouent la comédie de la courtoisie. Mais les pays, eux, ne s'en doivent point. Mon droit à faire le courtois s'arrête à l'intérêt de la France. Et l'intérêt de la France est de faire toutes les difficultés possibles à l'Angleterre, qui, elle, ne s'en prive pas. L'archevêque est un boulet au pied de Henri de Plantagenet. Vive l'archevêque. D'ailleurs, il m'est sympathique, cet homme-là. Mon gracieux souverain est le maître. Et tant que notre politique nous permettra de ne rien attendre du roi Henri... Pour l'instant, le durcissement est excellent. Rappelez-vous l'affaire de Montmirail. Nous n'avons signé la paix avec Henri que moyennant une clause de grâce, pleine et entière, pour les réfugiés bretons et poitevins qu'il nous demandait de lui rendre. 2 mois après, ils avaient tous la tête tranchée. Ceci concernait mon honneur. Je n'étais pas assez fort alors. J'ai dû feindre de ne pas avoir appris l'exécution de ces hommes et j'ai continué à prodiguer mes sourires à mon cousin d'Angleterre. Mais Dieu merci, nos affaires vont mieux. Et aujourd'hui, c'est lui qui a besoin de nous. Je vais donc me ressouvenir de mon honneur. Les rois sont de pauvres bougres qui n'ont le loisir d'être honnêtes hommes qu'une fois sur deux. Faites entrer les ambassadeurs. Permettez-moi d'introduire auprès de votre majesté les 2 envoyés extraordinaires de son Altesse Henri d'Angleterre, sa seigneurie l'évêque de Londres et le comte d'Arundel. Milord, je vous salue. Je regrette que depuis si longtemps, les difficultés heureusement aplanies aujourd'hui entre nos deux royaumes nous aient privé du plaisir de ces pacifiques rencontres entre nos gentilshommes, où votre valeur a tant de fois triomphé. Je n'ai pas oublié votre étonnant exploit au dernier tournoi de Calais. Vous avez conservé ce rude coup de lance ? Je l'espère, sire. Nous espérons, nous, que nos bonnes relations avec votre gracieux maître nous permettront de l'apprécier sous peu, à l'occasion de fêtes prochaines. Seigneur évêque, je vois que vous avez une lettre de votre maître pour nous. Nous vous écoutons. À Monseigneur et ami Louis, roi des Français, Henri, roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine et comte d'Anjou. Sachez que Thomas, ci-devant archevêque de Canterbury, après un jugement public rendu en ma cour par l'assemblée plénière des barons de mon royaume, a été convaincu de fraude, de parjure et de trahison envers moi. Qu'ensuite il a fui mon royaume comme un traître et à mauvaise intention. Je vous prie donc instamment de ne point permettre que cet homme chargé de crimes ou qui que ce soit de ses adhérents séjourne sur vos terres, ni qu'aucun des vôtres prête à mon plus grand ennemi secours, appui ou conseil. Car je proteste que vos ennemis ou ceux de votre royaume n'en recevraient aucun de ma part ni de celle de mes gens. J'attends de vous que vous m'assistiez dans la vengeance de mon honneur et dans la punition de mon ennemi, comme vous aimeriez que je le fisse moi-même pour vous s'il en était besoin. Messieurs, nous avons écouté attentivement la requête de notre gracieux cousin. Nous en prenons bonne note. Notre chancellerie rédigera une réponse que nous vous ferons remettre demain. Nous ne pouvons pour l'instant que vous transmettre nos sentiments de surprise. Aucune nouvelle ne nous est parvenue de la présence de l'archevêque de Canterbury sur nos terres. Sire, le ci-devant archevêque est réfugié à l'abbaye de Saint-Martin, près de Saint-Omer. Évêque, nous nous flattons qu'il y ait quelque ordre dans notre royaume. S'il y était, nous en aurions été certainement informés. Introduisez Thomas Becket et laissez-le. Relevez-vous, Thomas Becket, et saluez-nous comme l'archevêque primat d'Angleterre. La révérence suffit. Et, si je ne m'embrouille pas dans l'étiquette, vous avez droit à une légère inclination de tête de ma part. Voilà qui est fait. Je vous devrais même le baiser de l'anneau si votre visite était officielle, mais j'ai bien l'impression qu'elle ne l'est pas. Non, sire, je ne suis qu'un exilé. Ah, mais c'est aussi un titre important en France. J'ai bien peur que ce soit le seul qui me reste. Mes biens sont séquestrés et distribués à ceux qui ont servi le roi contre moi. Des lettres ont été envoyées au comte de Flandre et à tous ses barons leur enjoignant de se saisir de ma personne. Jean, évêque de Poitiers, qui était suspecté de vouloir me donner asile, vient de recevoir du poison. En somme, vous êtes un homme très dangereux. Je le crains. Nous aimons le danger, Becket. Et si le roi de France se mettait à avoir peur du roi d'Angleterre, il y aurait quelque chose qui n'irait plus en Europe. Nous vous accordons notre protection royale sur celle de nos terres qu'il vous plaira de choisir. Je remercie humblement votre majesté. Je dois cependant lui dire que je ne puis acheter cette protection d'aucun acte hostile à mon pays. Mais vous nous faites injure. Nous l'entendions bien ainsi. Croyez que nous exerçons depuis assez longtemps notre métier pour ne pas faire d'erreurs aussi grossières sur le choix de nos traîtres et de nos espions. Le roi de France ne vous demandera rien. Mais, il y a toujours un mais, vous ne l'ignorez pas en politique. Je ne suis comptable que des intérêts de la France, Becket. Je n'ai vraiment pas les moyens de me charger de ceux du ciel. Dans un mois, dans un an, je puis vous rappeler ici, et tout aussi benoîtement vous dire que mes affaires avec le roi d'Angleterre ayant évolué autrement, je dois vous bannir. Archevêque, je crois que vous avez fait la cuisine, vous aussi. Oui, si, il n'y a pas bien longtemps. Vous m'êtes très sympathique. Remarquez que si vous aviez été un évêque français, je ne dis pas que je ne vous aurais pas fourré moi aussi en prison. Mais dans la conjoncture présente, vous avez droit à ma protection royale. Vous aimez la franchise, Becket. Oui, sire. Alors nous nous entendrons certainement. Vous comptez aller voir le Saint-Père? Oui, sire, si j'ai vos laissés passer. Vous les aurez. Mais un conseil d'amis, c'est entre nous, n'est-ce pas? N'allez pas me faire d'histoire avec Rome. Méfiez-vous de lui. C'est un homme qui a besoin d'argent. Pour 30 deniers, il vous vendra. Au palais pontifical, le pape et le cardinal Zambelli. Je ne suis pas d'accord, Zambelli. Je ne suis pas du tout d'accord. La combinazione est mauvaise. Nous y perdrons l'honneur pour 3000 marques d'argent. Très sempre. Il ne nous est même question de perdre l'honneur, mais de prendre la somme qu'offre les rois d'Angleterre et de gagner du temps. Mais perdre la somme et donner une réponse négative tout de suite n'arrangerait ni les affaires de la Curie, ni celles de Thomas Becket, ni même, je le crains, celles des intérêts supérieurs de l'Église. Recevoir la somme, elle est minime, j'en conviens, il est peut-être envisagé pour forcer la décision. Mais c'est tout simplement faire un geste d'apaisement dans l'intérêt de la paix en Europe. Ce qui a toujours été le devoir supérieur du Saint-Siège. Si nous recevons l'argent du roi, je ne puis pas recevoir l'archevêque qui attend une audience depuis un mois à Rome. Recevez l'argent du roi, très Saint-Père. Et l'archevêque, l'un compense à l'autre. L'argent enlèvera tout côté subversif à l'audience accordée à l'archevêque. Et d'un autre côté, l'archevêque est résout, effacera ce qu'il pouvait y avoir d'humiliant à avoir accepté l'argent. Je n'ai pas envie de le recevoir. Il paraît que c'est un homme sincère. Et je suis toujours démonté par ces gens-là. Il me laisse un goût amer dans la bouche. La sincérité est un calcul comme un autre, Trisempère. Il suffit d'être bien pénétré de ces principes. Et la sincérité n'y en est plus. Mais dans certaines négociations très difficiles, quand on piétine et que la manœuvre ne rend plus, il m'arrivait même de m'en servir à l'occasion. Mon adversaire est donné généralement dans les panneaux. Il m'imagine un plan extrêmement subtil, fait fausse route et se trouve pris. L'écueil, évidemment, c'est si votre adversaire se met très sincère en même temps que vous. Ça, les yeux se trouvent alors terriblement embrouillés. Vous savez, c'est qu'on prête à Beckett l'intention de me demander depuis un mois qu'il piétine dans mon antichambre. Non, tout est fait. Zampelli, pas de manœuvre avec moi. C'est vous qui me l'avez rapporté. Oh, pardon, Trisempère. Je l'avais oublié. Ou plutôt, comme votre sainteté me posait la question, j'y ai pensé qu'elle l'avait oublié elle-même. Et à tout hasard... Si nous finissons entre nous sans aucune utilité, nous n'en sortirons jamais, Zampelli. Un simple réflexe, Trisempère. Excusez-moi. Demandez de les relever de ses fonctions et de sa dignité d'archevêque primat. Voilà pourquoi Beckett est à Rome. Et vous savez pourquoi il veut me demander cela? Oui, Trisempère. Parce que vous ne le savez pas. C'est Rapallo, votre ennemi, qui me l'a appris. Oui, mais il le savait tout de même, car il y a un espion, c'est Rapallo. Culo grati? Ah non, non, non, culo grati n'est mon espion qu'aux yeux de son maître. Par mon espion de culo grati. Beckett prétend que l'élection de Clarando n'a pas été libre, qu'il ne doit sa nomination qu'au seul caprice royal, et que par conséquent, l'honneur de Dieu, dont il se veut maintenant le champion, ne lui permet plus de porter ce titre usurpé. Et il ne veut plus être qu'un simple prêtre. Cet homme est évidemment un abîme d'ambition. C'est pourtant que nous savons que son titre et ses fonctions sont sa seule sauvegarde contre la colère du roi. Et n'est de ne pas cher de sa peau où qu'il soit, quand il ne sert plus à Québec. Son jeu est subtil. Mais nous avons pour nous une grande force, Trisempère, c'est de ne pas savoir exactement ce que nous voulons. De l'incertitude profonde des desseins, naît une étonnante liberté de manœuvre. J'ai l'idée d'une combinaison, Trisempère. Votre sainteté fait de croire à ses scrupules. Elle les reçoit et les relève de son titre et de ses fonctions d'archevêque prima. Puis, immédiatement, pour récompenser son zèle à défendre l'Église d'Angleterre, elle les renomme archevêque en bonne et due forme cette fois. Nous parons ainsi la menace, nous marquons un point contre lui et en même temps un point contre les rois. Le jeu est dangereux. Le roi a le bras long. Tout, pas plus long pour le moment que celui du roi de France dont l'intérêt présent est de protéger Beckett. Notre politique doit être de mesurer constamment ses deux bras. D'ailleurs, nous pouvons nous couvrir. Nous expédierons des lettres secrètes à la cour d'Angleterre disant que cette nouvelle nomination est de pure forme et que nous relevons les excommunications prononcées par Beckett. Et de notre côté, nous avertirons Beckett de l'existence de ces lettres secrètes, lui demandant les secrets et les priant de les considérer comme nous les non avons. Ce n'est peut-être pas la peine alors qu'elles soient secrètes. Si, parce que cela nous permettra de manœuvrer avec chacun d'eux comme si l'autre en ignorait les contenus, tout en ayant pris la précaution de les leur faire connaître. L'essentiel est qu'ils ne sachent pas que nous savons qu'ils savent. C'est à la portée d'un enfant de 12 ans. Québec ou non, qu'est-ce que nous ferons de Beckett? Nous l'expédierons dans un couvent. Dans un couvent français, puisque les rois Louis les protègent. Aux cisterciennes de Pontigny, par exemple, la règle y est dure. Cela lui fera du bien à cet ancien dandy, qu'il aille un peu apprendre dans la pauvreté à être le consolateur des pauvres. Le conseil me paraît bon, Zambelli. Mmh. Les pains secs, l'eau et les prières nocturnes sont un remède excellent contre la sincérité. La seule chose que je me demande, Zambelli, c'est l'intérêt que vous pouvez avoir à me donner un bon conseil. Chez les cisterciens, une cellule, Beckett en robe de moine. Serait pourtant simple. Trop simple, peut-être. La sainteté aussi est une tentation. Ah, qu'il est difficile, Seigneur, d'obtenir vos réponses. J'ai été long à vous prier, mais je ne puis croire que ceux plus dignes qui, depuis longtemps, vous interrogent ont appris à mieux déchiffrer votre réel dessein. Je ne suis qu'un élève débutant et je dois accumuler les contresens, comme dans mes premières versions latines, quand, à force d'imagination, je faisais exploser de rire le vieux prêtre. Mais je ne puis croire qu'on apprend votre langue comme une langue humaine, en s'appliquant. Je suis sûr qu'au pécheur endurci qui, pour la première fois, tombe à genoux et balbutie votre nom étonné, vous dites tout, tout de suite, et qu'il comprend. J'ai été à vous comme un dilettante, surpris d'y trouver encore mon plaisir. J'ai longtemps été méfiant à cause de lui. Je ne pouvais croire qu'il me faisait avancer d'un pas vers vous. Je ne pouvais croire que la route était heureuse. Leur discipline, leur jeûne, leur réveil nocturne, je ne puis pas croire que ce soit autre chose que des précautions de faibles. Dans la puissance et dans le luxe, dans la volupté même, il me semble maintenant que je ne cesserai de vous parler. Vous êtes aussi le Dieu du riche et de l'homme heureux, Seigneur. Et c'est là précisément votre profonde justice. Vous n'avez pas détourné votre regard de celui qui a tout eu en naissant. Vous ne l'avez pas abandonné seul dans son piège de facilité. Et c'est peut-être lui, votre brebis perdue. Car votre ordre, que nous appelons à tort justice, est secret et profond. Et vous sondez aussi soigneusement les maigres reins des pauvres que ceux des rois. Et sous ces différences qui nous aveuglent, mais qui ne vous sont même pas perceptibles, sous la couronne ou sous la croûte, vous découvrez le même orgueil, la même vanité, la même petite préoccupation satisfaite de soi. Seigneur, je suis sûr maintenant que vous avez voulu me tenter avec ce cilice, objet de tant de satisfaction sotte. Cette cellule nue, cette solitude, ce froid de l'hiver absurdement supporté et les commodités de la prière. Cela serait trop facile de vous acheter ainsi au moindre prix. Je quitterai ce couvent où tant de précautions vous entourent. Je reprendrai la mitre et la chape dorée, ma grande croix d'argent fin. Et je retournerai lutter à la place et avec les armes qu'il vous a plu de me donner. Il vous a plu de me faire archevêque, primat, et de me mettre comme un pion solitaire et presque aussi grand que lui, en face du roi, sur le jeu. Je retournerai à cette première place, humblement, laissant le monde m'accuser d'orgueil, pour y faire ce que je crois mon ouvrage. Pour le reste, que votre volonté soit faite. Le roi de France reçoit Beckett. Je vous l'ai dit, Beckett, la cuisine est une vilaine chose. On traîne avec soi des relents. Il y a un retour de bonne intelligence entre le royaume d'Angleterre et nous. La paix de ce côté-là me donne de grands avantages dans la lutte que je vais devoir entreprendre contre l'empereur. Je dois avoir mes arrières assurés par une trêve avec Henri de Plantagenet avant de marcher vers l'Est. Et, bien entendu, vous avez été mis en bonne et due place sur la note de frais du roi. Je dois même vous avouer que tout ce qu'il me demande en dehors de vous est sans importance. Curieux homme! La politique de l'Angleterre eût été de fermer l'autre mâchoire de la tenaille en profitant de l'agressivité de l'empereur. Il sacrifie délibérément cette opportunité au plaisir de vous voir chasser. Il vous aide ou bien? Sire, nous nous aimions. Et je crois qu'il ne me pardonne pas de lui avoir préféré Dieu. Votre roi ne fait pas bien son métier, archevêque. Il cède à une passion. Enfin, il a choisi de marquer un point contre vous au lieu de le marquer contre moi. Vous êtes sur sa note. Je dois payer le prix et vous bannir. Je ne le fais pas sans une certaine honte. Où comptez-vous aller ? Je suis un pasteur qui est resté bien longtemps éloigné de son troupeau. Je compte rentrer en Angleterre. Ma décision était d'ailleurs prise avant l'audience de votre majesté. Vous savez le coup du martyr ? Vous me décevez. Vous m'aviez paru un homme plus sain. Serait-il sain d'aller mendier sur les routes d'Europe, une place disputée à la peur où ma carcasse serait en sécurité ? D'ailleurs, où ma carcasse serait-elle en sécurité ? Je suis archevêque primat d'Angleterre. C'est une étiquette un peu voyante sur mon dos. Bon, si je dois me faire tuer, c'est coiffé de ma mitre, vêtu de ma chape dorée, ma grande croix d'argent en main, au milieu de mes brebis, dans mon église primatiale. Ce lieu seul est décent pour moi. Vous avez sans doute raison. Ah, comme il est dommage quelquefois d'être roi quand on a la surprise de rencontrer un homme. Pourquoi n'êtes-vous pas né de ce côté de la Manche, Beckett ? Il est vrai que c'est sans doute à moi que vous auriez fait des ennuis. Ah, l'honneur de Dieu est une chose bien encombrante. Après tout, tant pis, vous me plaisez trop, je m'offre un moment d'humain. Je vais essayer quelque chose, quitte à ce que votre maître en profite pour grossir sa note. Je rencontre Henri dans quelques jours à la Ferté-Bernard pour sceller nos accords. Je vais essayer de le convaincre de faire sa paix avec vous. Acceptez-vous éventuellement de lui parler ? Sire, depuis que nous avons cessé de nous voir, je n'ai pas cessé de lui parler. Une plaine. Deux gardes observent le lointain. Ouvre tes mirettes, petite tête. Et pourtant jusque-là. Ah, t'es nouveau dans le métier. Mais c'est pas tous les jours que tu reverras ce que tu vois. C'est une entrevue historique. N'empêche qu'il fait rudement froid. Ils vont nous faire poireauter longtemps. Nous, on est protégés par la corne de bois, mais... au milieu de la plaine, dis-toi qu'ils ont encore plus froid que nous. Ça y est, ils sont joints. Qu'est-ce que tu crois qu'ils se disent? Tu te figures peut-être qu'ils se demandent des nouvelles de leur famille? Couillon! Ou qu'ils se plaignent de leurs injures? Le sort du monde qu'ils débattent en ce moment. Des choses que toi et moi, on n'y comprendra jamais rien. Même les mots dont ils servent, ces gros bonnets-là, tu les comprendrais pas. Dans la plaine, tandis que souffle le vent d'hiver, Beckett et le roi à cheval se retrouvent face à face. Mon fils a 14 ans. Il est majeur. Il s'est amélioré. Un petit imbécile, sournois comme sa mère. Hein, ne te marie jamais, Beckett. La question est réglée maintenant et par votre Altesse. C'est elle qui m'a fait ordonner prêtre. Ne commençons pas encore, je te dis. Parlons d'autre chose. Votre Altesse a beaucoup chassé? Tous les jours. Ça ne m'amuse plus. Elle a de nouveaux faucons? Les plus chers. Mais ils volent mal. Et les chevaux? Le sultan m'a envoyé 4 étalons superbes pour le 10e anniversaire de mon règne. Mais ils foutent tout le monde par terre. Personne n'a encore pu les monter. Il faudra que je vienne voir ça. Oui, ils te foutront par terre comme les autres. Et on verra ton cul sous ta robe. Du moins, je l'espère. Ou ce sera désespéré de tout. Vous savez ce que je regrette le plus, Altesse? Ce sont les chevaux. Et les femmes? J'ai oublié. Hypocrite. Tu es devenu hypocrite en devenant curé? Tu l'aimais, Gwendoline? J'ai oublié aussi. Tu l'aimais? C'est la seule explication que j'ai trouvée. Non, mon prince. En mon âme et conscience, je ne l'aimais pas. Alors tu n'as jamais rien aimé, c'est pire. Pourquoi m'appelles-tu ton prince, comme autrefois? Parce que vous êtes resté, mon prince. Alors pourquoi me fais-tu du mal? Parlons d'autre chose. De quoi? J'ai froid. Je vous ai toujours dit qu'il fallait lutter contre le froid avec les armes du froid. Mettez-vous nus tous les matins et lavez-vous à l'eau froide. Je l'ai fait autrefois, quand tu étais là pour m'y obliger. Maintenant, je ne me lave plus. Je pue. Un temps, je me suis laissé pousser la barbe. Tu l'as su? Oui. J'ai bien ri. Après, je l'ai coupé parce que ça me grattait. Ah, oh, je m'ennuie, Beckett. Je voudrais tant pouvoir vous aider, Altesse. Qu'est-ce que tu attends? Dis-moi, je suis en train d'en crever! L'honneur de Dieu et l'honneur du roi se confondent. Cela risque d'être long. Oui. Cela risque d'être long. Ça n'a plus rien à se dire. Il faut autant aller se réchauffer. On a tout à se dire, mon prince. L'occasion ne se présentera peut-être pas deux fois. Alors fais vite! Sinon, ces deux statues de glace qui se réconcilieront dans un froid définitif. Je suis ton roi, Beckett. Et tant que nous sommes sur cette terre, tu me dois le premier pas. Je suis prêt à oublier bien des choses, mais pas que je suis roi. C'est toi qui me l'as appris. Ne l'oubliez jamais, mon prince. Fût-ce contre Dieu. Vous, vous avez autre chose à faire. Tenir la barre du bateau. Et toi, qu'est-ce que tu as à faire? J'ai à vous résister de toutes mes forces quand vous barrez contre le vent. Vent en poupe, Beckett? Ce serait trop beau. C'est de la navigation pour petite fille. Dieu avec le roi? Ça n'arrive jamais. Une fois par siècle, au moment des croisades, quand toute la chrétienté crie Dieu le veut. Et encore, tu sais comme moi quelle cuisine cela cache une fois sur deux les croisades. Le reste du temps, c'est vent debout. Et il faut bien qu'il y en ait un qui se charge des bordées. Et un autre qui se charge du vent absurde et de Dieu. La besogne a été une fois pour toutes partagée. Le malheur est qu'elle l'ait été entre nous deux, mon prince. Qui étions amis. Le roi de France ne sait pas encore ce qu'il y gagne. M'a sermonné pendant 3 jours pour que nous fassions notre paix. À quoi te servirait de me pousser à bout? À rien. Tu sais que je suis le roi et que je dois agir comme un roi. Qu'espères-tu? Ma faiblesse? Non, elle m'atterrerait. Me vaincre par force? C'est vous qui êtes la force. Me convaincre? Non plus, je n'ai pas à vous convaincre. J'ai seulement à vous dire non. Il faut pourtant être logique, Beckett! Non, mon roi, cela n'est pas nécessaire. Il faut seulement faire absurdement ce dont on a été chargé. Jusqu'au bout. Je t'ai bien connu tout de même. 10 ans, petit Saxon. À la chasse, au bordel, à la guerre. Tous les deux des nuits entières derrière des pots de vin. Dans le lit de la même fille, quelquefois. Et même au conseil, devant la besogne. Absurdement. Voilà un mot qui ne te ressemble pas. Peut-être. Je ne me ressemble plus. Tu as été touché par la grâce? Pas par celle que vous croyez, j'en suis indigne. Tu t'es senti redevenir Saxon, malgré les bons sentiments collaborateurs du papa? Même pas. Alors! Je me suis senti chargé de quelque chose, tout simplement, pour la première fois dans cette cathédrale vide, quelque part en France, où vous m'avez ordonné de prendre ce fardeau. J'étais un homme sans honneur, et tout d'un coup, j'en ai eu un, celui que je n'aurais jamais imaginé de voir devenir mien. Celui de Dieu. Un honneur incompréhensible et fragile comme un enfant roi poursuivi. Ah, si nous parlions de choses précises, Beckett, avec des mots à la portée, si nous ne leur finirons plus, j'ai froid! Je suis précis. Oh, alors, c'est moi qui suis un imbécile! Parle-moi comme un imbécile! C'est un ordre! Lèveras-tu l'excommunication de Guillaume d'Ensford? Et les autres, que tu as prononcés contre des hommes à moi? Non, mon roi, car je n'ai que cette arme pour défendre cet enfant à moi confié qui est nu. Accepteras-tu les 12 propositions qu'ont admises mes évêques en ton absence à Northampton? Et notamment de renoncer à la protection abusive des clercs saxons qui se font tonsurer pour fuir la glaive? Non, mon roi, car mon rôle est de défendre mes brebis, et ils sont mes brebis. Je n'accepterai pas non plus que le choix des curés échappe à l'épiscopat, ni qu'aucun clerc soit justiciable d'une autre juridiction que d'église. Ce sont là des devoirs de pasteur qu'il ne m'appartient pas de résigner. Et j'accepterai les 9 autres articles par esprit de paix, et parce que je sais qu'il faut que vous restiez le roi. Fort l'honneur de Dieu. Bien soit. Je t'aiderai à défendre ton Dieu, puisque c'est ta nouvelle vocation. En souvenir du compagnon que tu as été pour moi. Fort l'honneur du royaume! Tu peux rentrer en Angleterre, Thomas. Merci, mon prince. Je comptais de toute façon y rentrer et m'y livrer à votre pouvoir, car sur cette terre, vous êtes mon roi. Et pour ce qui est de cette terre, je vous dois obéissance. Bien, retournons maintenant. Nous avons fini? J'ai froid. Moi aussi, maintenant. J'ai froid. Tu ne m'aimais pas, n'est-ce pas, Beckett? Dans la mesure où j'étais capable d'amour. Si, mon prince. Tu t'es mis à aimer Dieu! Et tu es donc resté le même, sale tête, à ne pas répondre quand on te pose une question! Je me suis mis à aimer l'honneur de Dieu. Rentre en Angleterre. Je te donne ma paix royale. Puisses-tu avoir la tienne et ne pas t'être trompé sur toi-même. Je ne te supplierai jamais plus. Je n'aurais pas dû te revoir. Ça m'a fait mal. Mon prince. Ah non, pas de pitié! C'est sale! Arrière! Rentre en Angleterre! Rentre en Angleterre! On a trop froid ici! Mon prince, me donnez-vous le baiser de paix? Non! Je ne puis plus t'approcher, je ne puis plus te voir. Plus tard. Plus tard, quand je n'aurai plus mal. Adieu, mon prince. Je m'embarquerai demain. Je sais que je ne vous reverrai plus. Comment oses-tu me dire ça? Après ma parole royale, me prends-tu pour un traître? Au palais royal, autour d'une longue table, Henri II, les deux reines, les quatre barons et le fils aîné du roi. Messieurs, aujourd'hui ce n'est pas moi qui m'assiérai le premier. Vous êtes roi, messieurs. À vous l'honneur. Prenez le fauteuil. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous servirai. Mon fils. Je sais ce que je fais, madame. Allons, bougre d'idiot, grouille. Mais le roi m'était toujours aussi bête. Prenez place, messieurs. Moi, je reste debout. Baron d'Angleterre. Voici votre second roi. Pour le bien de nos vastes provinces, un collègue en royauté nous était devenu nécessaire. Renouant avec une antique coutume, nous avons voulu faire sacrer notre successeur de notre vivant et partager avec lui nos responsabilités. Nous vous demandons aujourd'hui de lui rendre votre hommage et de l'honorer du même titre que nous. Tenez-vous droit, et tâchez au moins de manger proprement, aujourd'hui que vous êtes à l'honneur. Il ne fait guère de mine. Un petit sournois, un peu borné. Mais enfin, un jour, il sera bel et bien votre roi. Autant vous y habituer tout de suite. Et d'ailleurs, c'est tout ce que j'avais à vous offrir. Allez, mon fils, ce jeu est indigne de vous et de nous. Vous l'avez voulu contre mes avis, jouez-le du moins dignement. Je joue au jeu qui m'amuse, madame. Et de la façon qui m'amuse. Cette chienlit, messieurs. D'ailleurs, sans aucune importance. Mais si votre nouveau roi bouge, venez me le dire. Je m'en chargerai avec un coup de pied au train. Aura tout au moins un résultat appréciable. Celui de montrer à notre nouvel ami, l'archevêque Primat, que nous savons nous passer de lui. Car, s'il y avait un antique privilège auquel la primatie tenait dur comme fer, c'était bien celui d'avoir seul le droit d'oindre et de sacrer les rois de ce pays. Eh bien, ça sera cette vieille crapule d'archevêque d'York, avec de bonnes lettres du pape l'y autorisant, j'y ai mis le prix, qui sacrera demain notre fils dans notre cathédrale. À la bonne farce. À la bonne, l'excellente farce. À la tête de l'archevêque. quand il aura digéré ça. Allez, sors de là maintenant, imbécile. Et retourne au bout de la table. Avec ta viande. Tu ne seras sacré officiellement que demain. Quel regard! Ah, c'est beau les sentiments filiaux, messieurs! Tu voudrais bien que ce soit pour de bon. Hein? Petite brute. Tu voudrais bien ton numéro 3. Et papa, bien raide sous son catafalque! Il faudra attendre encore un peu! Papa va bien. Papa va extrêmement bien. Mon fils, Dieu sait si j'ai critiqué votre tentative de rapprochement avec ce misérable qui nous a fait du mal. Dieu sait si je comprends votre haine pour lui. Mais du moins qu'elle ne vous entraîne pas à un geste gros de conséquences pour le seul plaisir de blesser son orgueil. Henri n'est encore qu'un enfant, mais vous n'étiez guère plus grand que lui quand vous avez voulu gouverner par vous-même contre moi. Des ambitieux qui ne manquent jamais autour des princes peuvent le conseiller, monter un parti contre vous, s'autorisant de ce couronnement hâtif et diviser le royaume. Songez-y, il est encore temps. Mais nous sommes encore là, madame, je vous dis. Et rien n'égale mon plaisir à imaginer la tête de mon orgueilleux ami Beckett quand il verra ce privilège essentiel de la primatie escamoté. Ah, je me suis laissé grignoter quelques articles l'autre jour, mais je l'attendais à ce tournant-là. Henri, j'ai été plus longtemps chargé du poids des affaires que vous. J'étais votre reine. Je suis votre mère. Vous êtes comptable des intérêts d'un grand royaume, pas de vos humeurs. Vous avez déjà trottonné au roi de France à la Ferté-Bernard. C'est de l'Angleterre tout entière que vous devez vous occuper, pas de votre haine ou de votre amour déçu pour cet homme. Amour déçu. Mon amour déçu. Mais qui vous autorise, madame, à vous occuper de mes amours? Vous avez contre cet homme une rancœur qui n'est ni saine, ni virile. Le roi, votre père, traitait plus vivement et plus sommairement ses ennemis. Il les faisait tuer et n'en parlait pas tant. Thomas Beckett serait une femme qui vous aurait trahi et que vous aimeriez encore. Vous n'agiriez pas autrement. Tu Dieu, arrachez-vous-le une bonne fois du cœur. Ah! Si j'étais un homme! Remercions Dieu, madame! Il vous a doté de mamelles, dont je n'ai jamais d'ailleurs personnellement profité. J'ai été une paysanne. Sans doute est-ce pour cela que vous êtes resté aussi lourd, mon fils. Et moi? N'ai-je pas la parole? Je vous ai toléré vos maîtresses, monsieur. Mais croyez-vous que je tolérerai tout? Me prenez-vous pour une de vos margotons? Ou songez-vous quelquefois de quelle race je suis? Je suis lasse d'avoir ma vie encombrée par cet homme! Toujours lui! Toujours lui! On ne parle que de lui, ici! Il était presque moins encombrant quand vous l'aimiez. Je suis femme! Je suis votre femme et votre reine! Je ne veux plus être traitée ainsi! Je me plaindrai au duc d'Aquitaine, mon père! Je me plaindrai à mon oncle, l'empereur! Je me plaindrai à tous les rois d'Europe, mes parents! Je me plaindrai à Dieu! Comment fait donc par Dieu? Filez dans votre oratoire, voir s'il y est! Et vous? L'autre madame, dans votre cabinet, avec vos conseillers secrets pour y tramer vos toiles, allez, sortez, sortez toutes les deux, je ne veux plus vous voir, je vomis d'ennui quand je vous vois, et le jeune Henri III de même. Et plus vite que ça, mon pied royal dans vos fesses royales. Et toute ma famille au diable s'il en veut. Buvons, messieurs. Puisqu'avec vous, c'est tout ce qu'on peut faire. Bref, saoulons-nous comme des hommes toute la nuit, jusqu'à ce que nous roulions sous la table, dans les vomissures et l'oubli. Ah, mes quatre imbéciles. Mes fidèles. Ah, il fait chaud avec vous comme dans une étable. Bonne soirée. Bon néant. Pas la plus petite lueur là-dedans pour déranger un peu la fête. À dire qu'avant lui, j'étais comme vous. Une bonne grosse machine à roter. À pisser après boire. À enfourcher les filles et à donner des coups. Qu'est-ce que tu es venu y fourrer, Piquette? Pour que ça ne tourne plus rond. Vous pensez-vous, quelquefois, Baron? Jamais, Altesse. Ça n'a jamais réussi à un Anglais. C'est malsain. Et d'ailleurs, un gentilhomme a autre chose à faire. Buvons, messieurs. Cela a été de tout temps reconnu sain. Beckett a abordé. On m'a dit que la mer avait été trop mauvaise ces jours-ci pour lui permettre le passage. Il a abordé, Altesse, malgré la mer. Où? Sur une côte déserte, près du Sandwich. Dieu n'a pas voulu le noyer. Non. Personne ne l'attendait là-bas? Il n'a pas que des amis, pourtant, en Angleterre. Si. Gervais, vicomte de Kent. Rognouf de Broc et Rognouf de Garenne l'attendaient. Gervais avait dit que s'il osait aborder, il lui couperait la tête de sa propre main. Et les hommes de race anglaise de toutes les villes de la côte s'étaient armés pour faire escorte à l'archevêque. Et le doyen d'Oxford est allé à la rencontre des barons. Les êtes jurant de ne point faire couler le sang et vous faire passer pour traître, puisque l'archevêque avait votre sauf-conduit. Il a mon sauf-conduit. Tout le long de la route de Canterbury, les paysans, les ouvriers, les petits marchands sont venus à sa rencontre, l'acclamant et lui faisant escorte de village en village. Pas un homme riche ne s'est montré, pas un Normand. Seulement des Saxons. De pauvres gens armés d'écus de fortune et de lances rouillées, de la racaille, mais nombreuses, et qui campent autour de Canterbury pour le protéger, disent ses meneurs. Une immense masse en haillons sortie de ces trous qu'on ne voyait jamais. Les évêques et les barons commencent à craindre pour leur sécurité, enfermés dans leur place forte, au milieu de cette vermine qui tient tout le pays. Jamais on n'aurait pu croire qu'il y avait tant de monde en Angleterre. Misérable, qui a mangé mon pain. Un homme que j'ai tiré du néant de sa race, que j'ai aimé. Je l'ai aimé! Oui, je l'ai aimé! Et je crois bien que je l'aime encore! Mais assez, mon Dieu! Assez, mon Dieu! Mais arrêtez, mon Dieu! J'en ai assez, mon Dieu! Altesse! Rien! Je ne peux rien! Veule comme une fille! Tant qu'il vivra, je ne pourrai jamais rien! Je tremble étonné devant lui, et je suis le roi! Personne ne me délivrera donc de lui. Un prêtre. Un prêtre qui me nargue et qui me fait injure. De tous les lâches que je nourris, il ne s'en trouvera donc pas un qui me délivrera de ce prêtre. Mais il n'y a donc que des lâches comme moi autour de moi. Mais il n'y a donc plus un homme en Angleterre. Mon cœur bat trop fort. Dans la cathédrale de Canterbury, le petit moine saxon aide Beckett à revêtir les habits sacerdotaux. Il faut que je sois beau. Fais vite. C'est difficile, les petits liens. Il faudrait des mains de filles. Des mains d'hommes aujourd'hui, c'est mieux. Laisse les liens des faits. L'étole, vite. Et puis la chasuble. Il faut que ce qui doit être fait... soit fait. Tu as raison. Il faut que ce qui doit être fait soit fait. Nous, tous les petits liens, sans en passer un, Dieu nous donnera le temps. Ne tire pas la langue. Voilà. Tout est en ordre. Mais j'aurais préféré m'occuper de mes bêtes, c'est moins dur. L'étole, vite. Tu les aimais bien, tes bêtes ? Oui. Chez mon père aussi, il y avait des bêtes quand j'étais petit. On est deux gars de Hastings, tous les deux. Mm-hmm. Passe-moi la chasuble maintenant. Tu le regrettes, ton couteau ? Oui. C'est pour aujourd'hui ? Sans doute, mon fils. Tu as peur ? Non. Si on a le temps de se battre. Ce que je veux seulement, avant, c'est donner quelques coups que je n'ai pas fait qu'en recevoir. Si je tue seulement un Normand avant, un seul, alors je ne suis pas exigeant, un pour un. Tu tiens absolument à en tuer un. Oui, ça m'est égal de n'être qu'un petit grain de sable. Mais c'est bon de se dire qu'à force de mettre des grains de sable dans la machine, un jour, elle grincera. Et elle s'arrêtera. Et ce jour-là ? On mettra une belle machine toute neuve à la place de la vieille. Et cette fois, c'est les Normands qu'on fourra dedans. C'est ça, n'est-ce pas, la justice ? Va prendre la mitre maintenant. Seigneur. Vous avez interdit à Pierre de frapper au jardin des olives, mais moi, je ne le priverai pas de cette joie. Il n'en a tout de même pas eu assez pendant son court passage ici. Donne-moi ma croix d'argent, il faut que je la tienne. D'autant plus qu'un bon coup avec ça, c'est que ça pèse, hein ? Ah, si je l'avais en main, moi ! Heureux petit Saxon. Finalement, pour toi, ce monde noir aura été en ordre jusqu'au bout. voilà prêt, seigneur. Paré pour votre fête. Ne laissez pas pendant ce temps d'attente un dernier doute m'envahir. Monseigneur, 4 hommes sont là, armés. Ils disent qu'ils doivent vous voir de la part du roi. J'ai fait barricader la porte, mais ils l'enfoncent. Ils ont des haches. Vite, il faut vous retirer dans le fond de l'église. Et donner l'ordre de fermer la grille du cœur. Elle est solide. C'est l'heure des vêpres, Guillaume. Est-ce qu'on a l'habitude de fermer la grille du cœur pendant les vêpres? Cela ne se serait jamais vu. Non, mais... Alors que tout soit dans l'ordre, on ne fermera pas la grille du cœur. Ah, voilà la bêtise. C'est son heure. Bien, petit. Allons jusqu'à l'hôtel. Nous ne sommes pas bien ici. On n'entre pas armé dans la maison de Dieu. Que voulez-vous? Que tu meurs. Tu as fait honte au roi. Fuis! Ou tu es mort. C'est l'heure de l'office. Les barons s'avancent, le petit moine bondit, brandissant la lourde croix. Un des barons l'étend raide d'un coup d'épée. Même pas un. Cela lui aurait fait tant de plaisir, seigneur. Que vous rendez tout difficile. Et que votre honneur est lourd. Pauvre Henri. Beckett s'écroule sous les coups des barons. Retour au présent, sur la tombe de Beckett, des moines flagellent Henri II. Tu es content, Beckett? Il est en ordre, notre compte! L'honneur de Dieu est lavé! Merci. Mais oui, c'était convenu, c'est pardonné, merci beaucoup, allez. Ah, les cochons! Les évêques normands ont fait le simulacre, mais les petits moines saxons, eux, en ont voulu pour leur argent. Sire! L'opération est réussie! Il paraît que la foule saxonne hurle d'enthousiasme autour de la cathédrale, acclamant le nom de votre majesté en même temps que celui de Beckett. Si maintenant les saxons sont pour nous, les partisans du prince Henri semblent définitivement perdus. L'honneur de Dieu, messieurs, est une bonne chose. Et on gagne tout compte fait à l'avoir de son côté. Thomas Beckett, qui fut notre ami, le disait, l'Angleterre lui devra sa victoire finale sur le chaos. Et nous entendons qu'il soit désormais dans ce royaume prié et honoré comme un saint. Venez, messieurs. Nous déciderons ce soir en conseil des honneurs posthumes à lui rendre et du châtiment de ses assassins. Sire, ils sont inconnus. Nous les ferons rechercher par notre justice, baron. Et vous serez tout spécialement chargés du soin de cette enquête. Afin que tous n'ignorent rien de notre volonté royale de défendre désormais l'honneur de Dieu et la mémoire de notre ami.